Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marché, c'est un contrôleur de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Je suis content de vous voir, de vous entendre, de savoir que vous êtes là sur RIG 90.7, sur www.rigfm.fr, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Il y a encore des nouveaux et des nouvelles qui sont venus cette semaine, donc merci à vous tous et toutes. Et j'espère que vous allez très très bien. C'est La Saga des Fab Four numéro 430. Nous sommes le 13 novembre 2019. Ça, c'est pour vous prouver que nous sommes en live, quoi, en direct. Et l'album de la semaine, c'est l'album très sale, l'album For Sale des Beatles en 1964. Quelle très belle année, 1964. Il paraît que des vedettes, des légendes sont nées cette année-là. Je n'en dirai pas plus. On écoutera I'm a Loser, je suis un perdant, Babies in Black. On écoutera Rock and Roll Music, également Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey. Et il y aura I'll Follow the Sun, il y aura Words of Love pour cet album-là. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du George Harrison et du Ringo Starr, comme par exemple Wildlife sur l'album Wildlife en 1971 pour Paul McCartney. Pour Lennon, ce sera Cripple Inside, mais la troisième prise, la prise numéro 3 sur l'album Imagine de 71 aussi. George Harrison nous chantera Derrière la porte fermée, Behind that locked door, sur All Things Must Pass en 70. Quant à Ringo Starr, ce sera Acapella sur le très bon album Good Night Vienna de 1974. Pour le reste, je vous invite à venir nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. On va passer une très très bonne soirée. Il va y avoir du soda ici. Il va y avoir de la bonne humeur parce que j'ai un invité. J'ai un invité et nous allons parler probablement ensemble entre les disques de la venue de Paul McCartney en 2020 à Bordeaux. Oui, oui, il va venir à Bordeaux. Et ça, c'est un grand, grand plaisir. Allez, je vous laisse la fin du générique. Ensuite, il y aura I'm a Loser et on en reparle après. À tout de suite. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. So that you won't lose all. La pochette de l'album Beatles for Sale révèle la face cachée de la Beatlesmania, l'épuisement, le découragement et la solitude de la vie au sommet. John, Paul, George et Ringo ont l'air décomposés. Et là, sur le cliché de Robert Freeman, qui est décédé récemment d'ailleurs, qui orne la pochette. La fatigue a également mis à mal leur magie, puisque les Beatles ne réussissent à composer que 8 des 14 titres de Beatles for Sale, complétant l'album avec des reprises éprouvées en concert. Les chansons de John étaient plus sombres qu'à l'habitude, et I'm a Loser, qu'on vient d'entendre, donnait un avant-goût du style confessionnel qu'il développerait plus tard. Quant à Paul, il était même allé jusqu'à chercher une chanson qu'il ne l'avait plus jouée depuis l'époque de la caverne, I'll Follow the Sun, dans les vieux cahiers d'écoliers sur lesquels il consignait ses compositions. Les Beatles, toujours ouverts, subissent à l'époque des nouvelles influences, et la plus significative est celle de Bob Dylan, qu'ils découvrirent et rencontrèrent en 1964. Durant les premières années, Paul et John avaient surtout tenté de maîtriser l'aspect musical de la composition, les constructions d'accords, les arrangements et la création même d'une mélodie. Dylan fut le premier musicien qui les influença par ses textes. Tous deux étaient attirés par Dylan parce que les paroles de ses chansons avaient autant d'importance que la musique. En écrivant ce qu'il ressentait plutôt que de se plier aux conventions du genre, Dylan avait créé un style d'expression extrêmement personnel qui contrastait avec la pop anodine du moment. Beatles for Sale fut enregistré en 2 mois et demi et il sortit en décembre 1964 et grimpa au sommet des charts des deux côtés de l'Atlantique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album. The word wild applies to the words you and me. Quelquefois, c'est comme ça que je prépare mes sagas. Je me dis, qu'est-ce qu'on n'a pas écouté depuis un moment ? Wildlife fait partie de ces chansons que je n'ai pas passées depuis un moment. Et donc, ça me fait réellement plaisir de l'entendre parce que, quelque part, après avoir passé, je ne sais pas, 2, 3, 4 mois, peut-être davantage, sans l'entendre, je me dis, mais elle est bien celle-là aussi. Et oui, de toute façon, quand c'est du McCartney, je vais avoir du mal à vous dire le contraire. Bref, c'était McCartney en 1971. Et voici la même année, John Lennon met la troisième prise de Cripple Inside sur RIG. You can

Vous avez compris pourquoi j'ai enchaîné deux chansons, le Ram Reprise, je sais pas si on dit ça, Reprise, en anglais, avec Big Bang Bad, parce qu'à la fin de Ram, il avait commencé cette chanson-là, Big Bang Bad, qu'il a écrite, donc... On a entendu un morceau en 71 et c'est ressorti en 73 parce que Paul McCartney n'oublie jamais rien. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'il a dit récemment qu'il a des milliers, soi-disant, de petites chansons, de bouts de chansons dans son dictaphone et que ça pourrait faire l'office de faire des albums parce qu'il a de quoi en faire largement. Ça ne m'étonne pas quand on fait des jams comme India, par exemple. Vous vous rappelez ? India, etc. Il faudra qu'on la repasse. Elle est trop bien, cette chanson. Bref, ben voilà, quand il fait des jams et que c'est vachement bien, ben on a envie d'en entendre plus. Donc Paul McCartney, continue, s'il te plaît. Et puis rendez-vous en mai-juin 2020 à Bordeaux. Et si on pouvait t'avoir dans la saga des Fab Four, ce serait un rêve. Mais j'y crois pas quand même. Faut peut-être pas exagérer. Allô ? Allô ? 1, 2, 3, 4... Life's not right, doesn't satisfy you. Don't get the breaks like some of us do. Better work it out, find where you've gone wrong. Better do it soon, you don't have long. Here comes the sun. say it's all right. Cette chanson. Et je sais pourquoi je l'ai programmée, ça me revient. Lorsque j'ai programmé cette édition de la saga des Fab Four, il pleuvait dehors. Du coup, le Here Comes the Sun était une évidence qui s'imposait. Et puis, c'est une très très belle chanson de George Harrison qui prouvait, en 69, il avait déjà fait un petit peu avant, hein, 68, et puis etc. Mais qui prouvait que là, il était l'égal de John Lennon ou de Paul McCartney au niveau de la composition, parce que les chansons sont très très très belles. Prenez par exemple, au hasard, While My Guitar Gently Weeps, par exemple. Voilà. Bon, allez, rock'n'roll music, c'est maintenant, c'est les Beatles, c'est l'album de la semaine, Beatles for Sale, sorti en 1964. Quelle très belle année. Just let me hear some of that rock'n'roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock'n'roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. Unless you're tired of playing too darn fast. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Une version que vous ne connaissiez pas forcément, Real Love, extrait de l'album Peace, Love and Truth, sorti en 2005, un album qu'il faut avoir au moins pour cette chanson. Et qui aurait pu se passer de la reprise de, je ne sais plus, est-ce que c'est, oui, c'est Give Peace a Chance, mais à la mode de 2005, avec les gens qui font du yo-yo dessus, vous voyez, je ne le passerai jamais. Ne me demandez pas de le passer, je ne le passerai jamais, c'est immonde. Enfin, c'est immonde. Par rapport à la beauté de cette chanson à l'origine, ça n'est pas normal, ça n'est pas bien d'avoir fait ça. Voilà, c'est mon opinion. Et je la partage avec mon voisin Pascal qui est présent, je ne lui ai pas demandé mais je vois qu'il fait un signe de tête, qui est présent dans le studio. Et oui, parce que les auditeurs et les auditrices aussi peuvent venir si vous le souhaitez. Pas trop nombreux et nombreuses hein, quand même, il n'y a pas beaucoup de place ici. Mais bon, quand vous le voulez, vous demandez et vous obtiendrez certainement. Voici en 1973 l'album Living in the Material World. Et le titre, Living in a Material World, aujourd'hui j'ai eu envie de faire Wildlife, Wildlife, Living in a Material World, Living in a Material World. S'il y en a d'autres, on verra ça. C'est George Harrison, bien sûr. Avec son humour, il dit « We got Richie on a tour » à la fin, c'est-à-dire on a eu Richie en faisant des tournées, et ça veut aussi dire « On est devenu riche en faisant des tournées ». Humour. Faut comprendre l'anglais pour arriver à comprendre ça. We'll be right back. Et là, vous me dites, j'aimerais bien écouter une chanson de Ringo Starr de 2008, sur l'album Liverpool 8. Mais pas toujours la chanson que tu nous passes là, qui est très bien, Are You Ready? Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres chansons très très bien sur cet album-là? Et là, je réponds de suite. Oui, je fais les questions et les réponses. Oui, bien sûr, suffit de demander. Voici Love Is Ringo Starr. Pour tous ceux qui l'aiment, et vous êtes, je le sais, de plus en plus nombreux à apprécier Ringo Starr. The door of willingness will one day open for everyone. Time will always heal what the broken-hearted feel. The poets say it's so, but I'm not sure it's real. I only know the answer is inside me and everyone. Love is here. Everywhere it's calling if you hear. Love is opening your heart, it will appear. A spirit guides my hand, and that is how I know that there's a bigger plan. This world is not for you and me alone, it's for everyone. Still go on, but love will come on strong. You have to look inside to see where you've come from. I only wish for nothing less than everything. Concert, combien elle donnait bien. Mrs. Vanderbilt, Paul McCartney en 1973, et c'est sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Think I'm worrying. What's the use of voulez revenir à l'album de la semaine? L'album de la semaine, c'est For Sale des Beatles en 1964. Le titre que je vous propose est une reprise, Kansas City, et également Hey, Hey, Hey, Hey, quatre fois. De la cover. Qu'est-ce que c'est la cover? Vous le savez, si je vous interroge vous, c'est quoi la cover? Oui, oui, oui, oui, c'est ça. Alors je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, et même si eux-mêmes, à l'époque, faisaient la reprise de quelqu'un, genre Chuck Berry ou Little Richard. Si un artiste connu, ou même peut-être vous, reprend une chanson chantée par les quatre, ça devient la cover de la saga des Fab Four. La chanson que je vous propose, on va l'entendre deux fois, d'abord par l'original, il s'appelle Ben E. King, et ensuite par John Lennon en 1975. Voici la chanson Stand By Me sur RIG 90.7. La chanson Stand By Me est sortie sur l'album Don't Play That Song en 1961 de Ben E. King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand. Tumble and fall, or the just as long as you stand, stand by me. Alors moi j'aime les deux versions, hein. La version originale forcément, parce que d'abord c'est l'original, et puis la version de John Lennon s'en est bien sortie quand même. Ce qui est curieux quand on fait des reprises, c'est que quelquefois j'aime bien qu'on fasse la reprise, mais à la note près, à la façon de faire près, parce que c'est, on a l'impression que la mélodie est intouchable. Et d'autres fois, quand on en fait une reprise à la manière d'eux, avec sa propre sauce, on rajoute quelque chose de bien. Donc là, bah, dans ce cas-là, c'est bien aussi. J'aime les deux versions, avec une petite préférence pour celle de John Lennon, mais l'autre est bien aussi. Allez, si nous faisions deux petits extraits de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, voici Within You, Without You, et l'autre ce sera When I'm 64. C'est sur RG, c'est dans la saga des Fab Four, et ça rime.

J'en avais déjà parlé de ce morceau, I'll Follow the Sun, chanson qu'il avait sortie de ses tiroirs, composée alors qu'il était tout gamin, vers 1957, et cet extrait de l'album de la semaine qui est Beatles for Sale, sorti en 1964. Nous allons nous retrouver en 1975, soit 11 ans plus tard, avec cette chanson extraite de l'album Extra Texture, Read All About It. Alors, je vais vous donner, tiens, pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi ce titre pour cet album-là de George Harrison en 1975? Eh bien, il a regardé sur une boîte de spaghettis et il y avait marqué Extra Texture, Read All About It. Et c'est comme ça qu'il a trouvé le nom de l'album parce qu'il avait des problèmes pour trouver un nom d'album ou pour trouver le nom d'un titre, enfin, un titre de chanson, George Harrison. Voici donc extrait de cet album-là. La réponse est à la fin. The Answer's at the End sur RIG. Faults. Now let his foibles pass.

cet instrumental, Lunchbox et Old Socks, vous était offert par Paul McCartney en 1975 sur l'album Venus and Mars. On retrouve l'album de la semaine Words of Love sur RIG. And tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Voici Magic Ringo Starr sur LG. go home was the place you had to go. It's where everyone was made. Down to the Two Eyes Cafe, that's where Tommy Steele would play. To London town, we didn't do much hanging around. I was with you know who. I played the drums like I always do. J'adore cette chanson, Rory and the Hurricanes, extrait de l'album Postcards from Paradise en 2014. Il est 21h55, 2015, pardon. Il est 21h55, en théorie il y a Eric dans 5 minutes, et ben non, il ne sera pas là, donc on va juste mettre 3 chansons de plus, dont une que je vous réservais en petite surprise. C'est Ringo Starr qui a été invité par Jimmy Fallon dans ce superbe show, The Tonight Show. Cette année, et il y a un passage qui est hyper drôle, où il invite en général des chanteurs, des chanteuses, etc. Il les invite à reprendre une de leurs chansons, mais avec des instruments d'école. Vous savez, les petits xylophones, les machins, trucs chouettes. Ça donne quelque chose de très très sympa. Retrouvez la vidéo sur YouTube, vous allez voir, parce que là, en plus, vu que c'est Yellow Submarine, ils ont rajouté un côté dessin animé. Voici Yellow Submarine de 2019, chanté par Ringo Starr et Jimmy Fallon, et les Roots, qui est le groupe qui accompagne Jimmy Fallon. C'est très, très mignon. Et c'est sur RIG en exclusivité. As we live. fin du voyage. Oui, ça c'est la fin du générique de Jimmy Fallon. Ah, je l'aime cette chanson. L'amour arrive à tout le monde. Eh bien, j'attends que ça m'arrive. On ne sait jamais. Love Comes to Everyone. George Harrison en 1979. C'est l'avant-dernière chanson de la saga des Fab Four. Dernière chanson, c'est Paul McCartney et ça gratte. C'est un vinyle. Girls School sur RG, on monte le son à fond. CBS,

vous auriez voulu qu'on continue encore pendant trois quarts d'heure, pendant une heure, pendant deux heures. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois. C'est vrai qu'on passe souvent Unto Down, Naked Ceiling et Naked. Mais je l'ai dans la tête, cette chanson-là, avec les autres chansons de l'album. J'adore ce morceau-là. Et on était en train d'en parler avec Pascal Dupont, donc, qui a eu la gentillesse de venir dans le studio ce soir. On en parlait entre nous. Et si, s'il la mettait en concert, celle-là, ça lui fait 6 minutes de faire de la super bonne musique, sans trop chanter. Et surtout, s'il chante, c'est avec la voix actuelle. Donc, c'est superbe. Pense-y, Paul. D'abord, entrée de concert, So Glad to See You Here. Tu mets le paquet, tout le monde tombe déjà. Ensuite, tu chantes cette chanson-là, par exemple, plus tard, dans le show. Ou alors, tu changes something, tu nous chantes My Sweet Lord. Oh, on tombera à genoux, ça c'est sûr. Ou tu changes aussi Give Peace a Chance, tu chantes Imagine par exemple, ou Just Like Starting Over. Ça, ce serait bien. On en parle, Paul, avant que tu viennes à Bordeaux. Allez, on en parlera à la crêperie Twist and Crêpe. Voilà, à Talence, la meilleure crêperie du monde avec le Steel Beatles. Salut à tous, bonne soirée, à très très bientôt. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Ciao.